À l'occasion du 53e anniversaire de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée, les conférences ont eu lieu en Russie, en Finlande et en Guinée, et les colloques en Syrie, au Mexique et au Myanmar. Y ont pris part les personnalités de différents milieux et les habitants des pays hôtes. Les orateurs ont indiqué que l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du parti revêt une grande importance pour le développement du Parti du Travail de Corée. Ils ont exalté les exploits de l'édification du parti du général qui a renforcé le Parti du Travail de Corée en organisation politique du leader et en guide puissant de la révolution de Songun. Aux cérémonies tenues en Russie et en Finlande, on a adopté les messages de félicitations à l'adresse du dirigeant suprême Kim Jong-un.